Chapitre 17e. Agnès ne dormit pas d'un sommeil bien lourd cette nuit-là, et quand elle s'éveilla, les oiseaux chantaient leur hymne matinal au soleil. À travers la fenêtre, dépourvue de rideaux, l'astre du jour dardait ses rayons sur le visage de la jeune fille. Elle chercha en vain à se rendormir, se tournant, se retournant sur son petit lit. Mais les bruits du dehors arrivaient jusqu'à elle, et se sentant tout d'un coup prise d'un désir violent de sortir des étroites limites de sa petite chambre et de respirer l'air du ciel, après avoir hésité encore, lutté même un moment, elle céda à ce désir, se glissa bien silencieusement hors de son lit, fit sa toilette avec le moins de bruit possible, et s'aventura à ouvrir la porte qui communiquait avec la chambre de sa tante. À sa grande satisfaction, les ronflements de cette dernière étaient assez forts pour masquer le bruit qu'elle pourrait faire. Elle traversa la pièce. Elle réussit de la même façon à descendre les escaliers et à sortir de la maison. Son cœur battit avec un certain plaisir quand elle sentit souffler sur ses joues la douce brise du matin venant des dunes. Elle s'achemina vers l'endroit splendide où se trouve le moulin à vent. Mais hélas, son bonheur ne fut pas de longue durée. Elle sentit bien vite que ce n'était pas le point de vue que dominait le moulin qui pouvait par lui-même lui procurer cette sorte de félicité parfaite qu'elle avait été tentée auparavant de lui attribuer. Elle se rassit au même endroit où Mary, Lucy, James et elle-même s'étaient déjà assis. Mais combien ses sentiments étaient différents. Et pourtant il y avait à peine une semaine de cela. Quel nouveau chagrin était venu peser ainsi sur son cœur. La bienveillance que lui avaient montrée ses nouvelles connaissances était mûrie en amitié. Au bal du soir précédent, pour parler le langage à la mode, elle avait eu le plus brillant succès. Elle avait dansé tous les quadrilles, dont trois avec le danseur le plus envié. Et pourtant, elle se sentait plus triste que jamais. Comment s'expliquer cela? Agnès avait peine à en trouver la cause. Hélas, pourtant, elle l'avait bien comprise. Elle savait maintenant que plus la société où elle serait admise serait aimable et comme il faut, plus elle devrait s'efforcer de s'en retirer. Cette conviction n'était-elle pas plus que suffisante pour la rendre triste? Elle s'assit donc, cueillant encore du thym sur le versant de la colline, mais elle n'y trouvait plus le même agrément. Elle le rejeta loin d'elle. Tandis qu'elle se laissait aller à cet accès de rêverie mélancolique, le bruit d'un pas de cheval qui semblait être tout près derrière elle la fit tressaillir, et sans se retourner, elle se leva précipitamment et s'enfuit. Le cavalier, plus curieux qu'elle, l'eut bien vite dépassée, et sans se faire aucun scrupule, détourna la tête pour voir qui était cette personne si matineuse. Par un rapide coup d'œil, Agnès reconnut à l'instant le colonel Hubbard. Celui-ci, retenant son cheval, toucha son chapeau, et pendant une demi-minute, elle se demanda s'il allait lui parler. Il en eut peut-être la pensée, mais si cette idée lui était venue tout d'abord, il avait changé d'avis, car pressant les flancs de sa monture, il partit au galop. Un groom le suivait. Agnès respira plus librement. « Grâce à Dieu, il ne m'a pas parlé, » s'écria-t-elle. « En vérité, je ne sais si j'aurais trouvé la force de lui répondre. Jamais, non, jusqu'à mon dernier jour, je n'oublierai l'expression de son visage au moment où ma tante Barnaby et cet homme abominable ont traversé la pièce pour venir à la table du thé. Non, pas plus que son air mécontent lorsque son ami, si bon et si aimable, m'a prié de danser encore une fois avec lui. Homme vaniteux, hautain, j'espère bien ne jamais le revoir. C'est lui qui le premier m'a fait sentir tout ce que mon avenir a de misérable. » Un pas de cheval retentissant une seconde fois à son oreille sur le gazon tout près d'elle interrompit ce monologue, à moitié parlé, à moitié pensé. « Le voilà qui revient, » se dit-elle. « Je ne l'ai pourtant pas vu revenir. Oh, s'il me parle, comment ferai-je pour lui répondre ?» Mais cette fois comme l'autre, le cavalier la dépassa, et d'un autre rapide coup d'œil, Agnès étant rassurée que ce n'était pas le colonel, ne prit pas la peine de regarder qui ce pouvait être. Si sa curiosité l'avait poussée à faire cet effort, sa peine n'eût pas été vaine, car cette fois comme tout à l'heure, le cavalier se retourna pour la regarder et lui montra en plein les traits du major Allen. Il arrêta son cheval à l'instant même et sauta à terre. Puis, faisant faire adroitement un tour à l'animal, il se plaça entre la bête et la pauvre Agnès terrifiée, manifestant l'intention de marcher à côté d'elle. Le premier mouvement de la jeune fille avait été de ne pas faire un pas, et de lui demander dans quel but il s'approchait ainsi d'elle. Mais quand elle se tourna vers lui pour lui parler, l'expression de cette physionomie audacieuse et vulgaire la remplit d'effroi. Elle se détourna tout d'un coup et, sans dire un mot, prit rapidement la direction du moulin. « Auriez-vous peur de moi, ma charmante demoiselle ?» dit le major d'un ton caressant, faisant faire un autre tour à son cheval, de manière à se retrouver de nouveau à côté d'Agnès. Comment se porte votre adorable tante? Dites-lui que je me suis informé d'elle et que, sur mon honneur d'officier et de gentilhomme, je la considère comme la plus belle femme que j'ai jamais vue. Mais pourquoi donc fuir ainsi, mon joli petit fan? Votre charmante tante me saura gré de ne pas vous laisser mettre dans un pareil état. » Et tout en disant cela, sa large main s'emparait du coude d'Agnès, la forçant ainsi à s'arrêter. Un sentiment d'effroi, plus vif peut-être que la chose ne le méritait, arracha un cri à Agnès lorsqu'elle sentit encore une fois cette étreinte détestée. Et cependant, cette étreinte semblait vraiment amener toujours avec elle, comme par magie, un secours inespéré, car au même moment, le colonel Hubbard était auprès d'elle, du côté opposé au major. Agnès releva la tête, le regarda avec une expression de bonheur qu'elle ne cherchait pas à déguiser, et comme il lui offrait le bras, elle le prit immédiatement. Tout cela sans que ni lui ni elle eussent articulé un seul mot. Cette promenade à trois ne parut nullement du goût du major Allan, car après avoir fait environ trois pas, il se retourna tout à coup, disant avec un air fanfaron « Vous voudrez bien présenter mes meilleurs compliments à madame votre tante ?» Et là-dessus, il sauta en selle avec si peu de précaution qu'il faillit atteindre la jeune fille et le gentleman. Puis, faisant bondir son cheval, il le lança à fond de train à travers les dunes. Agnès retira tout doucement son bras et dit avec une voix qui n'était pas encore bien ferme « En vérité, monsieur, je vous suis infiniment obligé. Je suis heureux, mademoiselle, de m'être trouvé près de vous au moment où cet insolent personnage vous a accosté, » répondit le colonel Hubbard, mais sans faire une seconde offre de son bras. Puis, un instant après, il ajouta « Excusez-moi, mais je ne puis m'empêcher de vous dire que vous êtes bien imprudente de venir vous promener ainsi seule et d'aussi grand matin. Quoique Clifton, de ce côté, ressemble à la campagne, il n'est pas entièrement dépourvu des mauvais côtés d'une ville d'eau. J'ai toujours vécu à la campagne et n'avais pas idée qu'il y eût aucun danger, » dit Agnès, très contrariée, à la pensée que son imprudence enfantine allait encore renforcer la détestable opinion que le colonel avait d'elle et de ses relations. « Non pas qu'il y ait peut-être aucun danger réel, » répliqua le colonel, « mais il y a bien des choses qui, sans mériter positivement ce nom, sont néanmoins très peu convenables. Oh, cela vient d'une grande ignorance de ma part, d'une grande folie, » interrompit Agnès très vivement, « et jamais, jamais plus, je ne me mettrai dans le cas d'avoir besoin d'un tel secours. Votre tante a-t-elle donc toujours vécu avec vous à la campagne ?» Le colonel Hubbard se sentait une grande envie de faire cette question, mais au lieu de la faire, il se contenta de dire en descendant la colline du moulin à vent « Vous habitez Rodney Place, je crois, et si je ne me trompe, voici votre chemin. » « Non, monsieur, nous demeurons à Sion Row, c'est ici tout près. Permettez-moi de ne pas interrompre votre promenade plus longtemps, je vous suis bien reconnaissante. » Et sans attendre la réponse, Agnès continua à descendre rapidement la colline. Elle était à mi-chemin de Sion Row avant que le colonel eût trouvé ce qu'il aurait voulu lui répondre. « Oh, cela n'a pas d'importance. Elle est partie, » pensa-t-il. Et prenant les rênes de son cheval des mains de son groom, il se remit en selle et continua sa promenade du matin. Quand Agnès rentra, Mrs. Barnaby n'avait pas encore quitté son lit, mais elle était réveillée, et entendant quelqu'un entrer dans le salon, elle demanda « Qui est là ?»« C'est moi, tante, » dit Agnès en ouvrant la porte avec les joues en feu et tout essoufflé, aussi bien peut-être par l'agitation que lui avait occasionnée son aventure, que par la rapidité avec laquelle elle était venue du moulin à la maison. « Et d'où diable venez-vous si tôt, mon enfant ? Miséricorde ! Quelle couleur vous avez gagnée ! Le bal vous a fait autant de bien qu'à moi-même, je crois. Eh bien, entrez et allez-vous déshabiller. Vous reviendrez ensuite causer avec moi pendant que je m'habillerai. » Agnès alla dans sa petite chambre et ferma la porte. Elle avait réellement grand-peur de sa tante et faisait en général tout ce qu'elle lui ordonnait, avec la prompte obéissance d'un enfant qui craint d'être grondé. Mais en cet instant, un sentiment plus fort que la peur la retenait dans le sanctuaire béni de son cabinet solitaire. Il lui semblait qu'elle suffoquait du manque d'air. La chambre de sa tante sentait le renfermer, pour elle qui venait de respirer la fraîche brise de la colline. Aussi, bravant le danger de recevoir la plus aigre des réprimandes, elle s'assit près de sa fenêtre ouverte. Mais pourquoi de grosses larmes tombaient-elles l'une après l'autre tout le long de ses joues tandis qu'elle savourait ce bonheur? Quelle qu'en fût la cause, l'effet fut salutaire. Elle se calma, elle reprit haleine, et les grosses couleurs qui avaient animé son teint tombèrent jusqu'à la teinte délicate qui lui était habituelle, si ce n'est même un peu plus pâle. Puis, Elle commence à penser qu'il n'était vraiment pas raisonnable de chercher ainsi les reproches quand on peut les éviter. Elle lissa donc ses beaux cheveux châtains, baigna ses yeux d'eau fraîche, et poussant un profond soupir, elle sortit, bien déterminée à entendre avec patience tout ce qu'on pourrait lui dire. Heureusement pour Agnès, Mrs. Barnaby en était à la période critique de cette grande affaire, sa toilette, et sa volonté expresse était d'être seule. Aussi dit-elle à sa nièce d'un air hargneux. « Qu'avez-vous pu faire au nom du ciel pour être si longtemps ?» Puis elle ajouta, « Entrez dans le salon et veillez à ce que ma rôtie et mon muffin soient à point. Nous laisserons tomber le feu après. » Agnès obéit le plus joyeusement du monde. C'était pour elle un grand soulagement, dont elle était doucement reconnaissante. Mais les fenêtres du salon étaient ouvertes. Elles donnaient sur le moulin et sur les dunes. Elle risqua fort d'oublier les muffins et les rôtis. La vue était si agréable qu'il se passa quelques minutes avant qu'elle se rappelât les devoirs qu'elle avait à remplir. Enfin, pourtant, elle s'en souvint et employa si bien le temps qu'il restait que lorsque sa tante entra dans tout l'éclat de son rouge et de ses rubans mauves, tout était prêt. Elle n'eut donc qu'à s'asseoir pour écouter les extases de Mrs. Barnaby sur le bal de la veille et aussi pour faire rôtir l'un après l'autre, au bout d'une fourchette, chaque fragment des muffins, tout en répondant convenablement à la question 10 fois répétée. « Dites que vous n'avez pas une bonne tante, Agnès, une tante qui vous mène à de pareils bals. » Enfin, pourtant, le fastidieux repas se termina, et Mrs. Barnaby se mit en devoir d'arranger elle-même son petit appartement avec beaucoup plus de soin que d'ordinaire. Elle plaça la table d'une manière agréable, près de l'une des fenêtres, disposa alentour 2 ou 3 chaises, puis sabota ouvrage, et dit à Agnès qu'elle pouvait aller se livrer à ses chers livres d'études. Avec quelle joie la pauvre enfant usa-t-elle de la permission qui lui était donnée. Avec l'aide de Betty, elle eut bientôt mis son petit réduit en ordre, car elle espérait la visite de son amie Mary. Elle ne fut point trompée dans son attente. Elle avait à peine terminé ses préparatifs que Mademoiselle Peters arrivait. « Eh bien, Carina, comment cela va-t-il aujourd'hui ? Ne vous sentez-vous pas un peu à l'étroit dans votre petite chambre après des triomphes comme ceux d'hier au soir ?» fut la manière joyeuse dont Mademoiselle Peters salua son amie tout en s'asseyant sur une des malles qui encombrait la petite pièce. Mais ce ne fut pas sur ce même ton joyeux qu'on lui répondit. Il y avait même une sorte de reproche mélangée à beaucoup de tristesse dans la façon dont Agnès dit. « Des triomphes, oh Marie, quel mot !»« Vous êtes la seule et unique personne que ce mot puisse offusquer. Et quoi ? A-t-on jamais vu une petite jeune fille de province, qui n'a pas encore 17 ans, avoir un pareil début ? N'importe à quel âge une jeune fille a-t-elle jamais eu plus de motifs pour sentir qu'elle n'aurait de sa vie de faire aucun début ?»« Ma pauvre Agnès, » dit plus gravement Mademoiselle Peters, « il ne faut pas vous affliger si profondément des extravagances que votre tante, qui est ma tante aussi à moi, peut arriver à commettre, et je le crains, commettra toujours. Il est triste et humiliant, je vous l'accorde, d'être forcément en compagnie d'une femme déterminée à se rendre si outrageusement ridicule. Mais il n'est pas sage de vous rappeler cela sans cesse, et de ne vous rappeler que cela. Vous devriez au moins vous souvenir aussi que l'homme le plus distingué de la Réunion vous a fait l'honneur de se joindre à votre société au moment du thé. M'a fait l'honneur, à moi. Oh, Mary. Eh bien quoi, Agnès? Avez-vous la prétention de mettre en doute que ce fut pour vous? Et en l'honneur de qui aurait-il dansé avec vous? Dansé avec moi. Il n'a jamais dansé avec moi, Mary, dit Agnès en rougissant. Voyons, ma chère, de qui parlez-vous? Il n'a pas dansé 3 fois avec vous? Ah, Monsieur Stephenson, oui, c'est bien le meilleur, le plus obligeant. Et le plus beau danseur avec lequel vous ayez jamais dansé, n'est-ce pas? Quant à cela, Mary, ce n'est pas difficile, car avant la soirée d'hier, je n'ai jamais dansé avec aucun danseur. Cela veut donc simplement dire qu'il est plus beau garçon que votre frère et que Monsieur Osborne, ce qui en effet est, je crois, la vérité. Je le crois aussi. Sur ce point, du moins, nous ne nous querellerons pas. Mais dites-moi, voyons, quelle impression le bal en lui-même vous a-t-il faite? Vous êtes-vous amusé? Aurez-vous bien envie de retourner à un autre? Laissez-moi répondre d'abord à votre dernière question. J'espère bien ne jamais, jamais, jamais retourner à aucun bal avec ma tante Barnaby. Mais si je n'avais eu à subir la douleur, la honte, l'agonie qu'elle m'a fait endurer, j'aurais beaucoup aimé le bal. Surtout le moment du thé, Mary. Comme c'était charmant, avant qu'elle n'arrive avec cet horrible homme. Pourrez-vous jamais oublier l'effet qu'ils faisaient quand ils traversèrent la pièce pour venir à nous? Oh, comme ils la regardaient !» Agnès frissonna et mit ses mains sur ses yeux, comme si elle voulait les fermer devant l'image qu'elle revoyait. « C'était terrible, en effet, » reprit son ami. « Mais ne vous tourmentez pas à l'idée que M. Stephenson a vu cette entrée, car il n'en est rien. Il était assis au coin de la table, vous savez, à côté de moi. Donc, il tournait le dos, Dieu merci. Mais voulez-vous que je vous dise celui qui l'a vu? C'est le beau colonel, qui regardait votre tante comme une apparition. Maintenant, à mes yeux, cela n'a pas la moitié autant d'importance. Je ne doute pas que ce ne soit votre avis. Un vieux soldat comme lui doit être habitué à une telle variété d'énigmes que cela ne peut faire autant d'effet sur lui que sur son jeune ami. Du reste, c'est un bien bel homme pour son âge, ne trouvez-vous pas ? » ?»« Qui cela ? » dit simplement Agnès. « Eh bien, le colonel Hobart. Sa sœur, qui vient d'épouser Sir Edward Stephenson, a, dit-on, près de 20 ans de moins que lui. »« 20 ans ? » dit Agnès. « Oui, je le crois. Mais vous ne me parlez presque pas du bal, Agnès. Je commence à soupçonner que vous avez eu quelques déceptions. Comment ? À quel propos ? Je n'y comprends rien. Vous dansez admirablement. On vous a proclamé la belle des belles, et vous n'avez pas l'air de vous être amusé. » Oh ! Je me suis bien amusé tout le temps qu'elle jouait aux cartes. Tant qu'elle n'a pas été là, je me suis beaucoup, beaucoup amusé, je vous assure. Mais Marie, quoique vous l'appeliez votre tante, comme pour me consoler en prenant une part de ma souffrance, elle n'est pas réellement votre tante, à vous, et encore moins votre unique protectrice. Votre pain quotidien ne dépend pas d'elle. Hélas, ma chère Marie, ne devrait-on pas plutôt s'étonner que je me sois amusé à ce bal au lieu de trouver surprenant que je ne m'y sois pas amusé davantage ? Pauvre Agnès, que tout cela est triste, dit Mary, dont la gaieté s'était évanouie tout à coup. Oui, tout cela est vrai. Ne me croyez pas indifférente à votre juste chagrin. Plutôt ciel que je puisse l'alléger. Souvenez-vous du moins que n'importe où vous serez, on vous respectera pour vous-même, car vous êtes digne de tous les respects, croyez-le. Je vais être bien inquiète quand vous nous aurez quittés. Chère Agnès, parlez-moi un peu de votre tante Compton. Est-il donc impossible de vous placer sous sa protection ? Complètement impossible. C'est elle qui s'est chargée de mon éducation et de mon entretien pendant 5 années, en disant formellement qu'elle n'en ferait jamais davantage, à ce que raconte ma tante Barnaby. Il paraît qu'elle s'est ruinée en faisant la charité à tort et à travers. Et tante Barnaby prétend qu'elle a à peine de quoi vivre. Ah, Marie, je pense quelquefois combien je pourrais être heureuse si elle voulait me laisser travailler pour elle en donnant des leçons à Silverton. J'en sais déjà assez, peut-être, pour pouvoir enseigner quelques petites choses dans un endroit aussi retiré, où les bons professeurs doivent être rares. Et je serais si heureuse si la tante Compton voulait me laisser vivre près d'elle. Alors pourquoi ne le lui dites-vous pas, Agnès ? Parce que la seule fois où je l'ai vue. Quoiqu'elle m'ait embrassé et pressé sur son cœur, pendant un instant, elle m'a repoussé ensuite, en disant que la seule différence entre ma tante Barnaby et moi, c'est que j'étais plus hypocrite, et qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de moi. Ce furent ses paroles. Je ne les oublierai jamais. Elle a la réputation d'être immuable dans ses résolutions. Cela ne promet rien de bon, je dois l'avouer. Mais la sagesse nous dit que la possibilité d'un malheur à venir ne doit pas nous empêcher de jouir d'un bonheur présent. Aussi, je crois que pour le moment, chère Agnès, si vous nous aimez, votre devoir est de profiter de ce petit moment de répit. Nous vous aimons, et sommes bien déterminés à endurer la tante Barnaby pour l'amour de vous. Tâchez donc, en retour, d'être heureuse par amour pour nous. Adieu. J'ai causé avec maman ce matin, mais je ferai en sorte que vous me revoyiez avant la fin du jour. Adieu, adieu. » Et Mademoiselle Peters sortit tout doucement du cabinet ainsi que de la maison, car elle avait entendu des voix dans le salon en s'en allant, et comme elle avait en tête quelque chose qui lui tenait fort à cœur, elle redoutait beaucoup d'être retenue par Mrs. Barnaby.